Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 17e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir et on va commencer par la présentation de l'équipe. Alors on a notre Jon Snow à nous, c'est Laurent, salut Laurent. Waouh, Jon Snow. Carrément. La classe, le King of the North. C'est un peu le sidekick. Je suis le roi, ça y est, je suis le roi. Le roi du Nord. Mais j'ai quand même couché avec ma tati. Hein. Oui, bah écoute, on ne juge pas, on n'est pas là pour le juger. Hein. Il faut bien s'amuser dans la vie. Hein. Bon. Ensuite, on a notre Cersei Lannister, c'est Cillion. Salut Cillion. Good. Très bien, exactement. Ça reflète bien un petit peu ta personnalité, je trouve. Ah, c'est mon personnage charmant. Ouais, excellent. Et c'est comme ça qu'il faut être. Ouais. Il faut être cher comme un lion. Non, je rigole. Je suis pas du tout comme ça. Salut, ça y est. Salut Laurent. Salut. Salut. Et on a le grand plaisir d'accueillir Marc Cansemi, qui est donc le chef de projet de Darkness Roller Coaster Ultimate Shooter Edition. Et donc, il fait partie du studio Creative VR 3D. Salut Marc. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir Sei, bonsoir Cillion et bonsoir Laurent. Salut. En tout cas, ça nous fait bien plaisir de t'accueillir. On va pouvoir parler un petit peu de ton jeu. Je le répète, hein, Darkness Roller Coaster Ultimate Shooter Edition. Et je l'ai dit sans bafouiller. Tu vas te présenter un petit peu, nous dire d'où tu viens, quel est ton cursus. Qu'est-ce qui t'a fait venir dans la VR, etc. et arriver justement à ce projet. D'accord. Ben, alors en fait, ça démarre... avec mon frère, on a une société, on fait des sites internet et des vidéos pour les sites internet. Mmh. Donc mon frère a plus une formation de vidéaste, caméraman, effets spéciaux. Et il a fait de la 3D aussi, bien sûr, etc., tout ça. Et moi, j'ai plus une formation dans le code, dans le web. Mmh. Donc voilà, et en fait, il s'est passé qu'il y a 4 ans, quand Google a sorti le Cardboard, on a testé, on a trouvé que c'était sympa. Mmh. Du coup, on s'est dit, on va voir ce que c'est Unity, puisque sur les applications qu'on avait trouvées, on avait vu qu'il y avait Unity, donc on ne connaissait même pas, en fait, hein. Donc on s'est mis là-dessus, on a commencé à se dire, à faire ça comme un passe-temps en fait, hein. Vraiment avec notre métier à côté, et on a commencé à faire comme un passe-temps. On a fait donc une première application gratuite qui s'appelait A Time in Space. Et c'est pas l'application avec le petit robot là? Alors ça c'est la 2. C'est la 2, d'accord, ok. Voilà. Donc on a fait une Time in Space qui, pour vous dire, on l'a lancé comme ça en ligne, sans trop savoir, et des semaines après, c'est la copine de mon frère qui nous dit, vous avez vu, sur votre application, il y a plein de messages et tout, donc on allait regarder, et en effet, ça avait plu, quoi, ça plaisait. Donc voilà, du coup, on a quand même eu un petit succès sur cette appli, parce qu'elle s'est téléchargée à quasiment 500 000, il y a quasiment 500 000 téléchargements. Ah oui, quand même. Donc on n'avait même pas fait de pub et tout dans l'appli, c'était vraiment, vraiment par un passe-temps, quoi. Et de là, on s'est dit, vu que beaucoup de gens disaient, ouais, une suite, donc on a fait une suite qui était donc le 2 avec le petit robot, mais c'est de l'exploration, essentiellement. D'accord. Et de là, ensuite, on est parti, on a fait Darkness Roller Coaster, justement, pareil, de l'exploration, où il y avait un niveau. Celui-là était à 1€. D'accord. Donc pour celui-là, donc on a fait à peu près sur Cardboard, on a dû faire dans les 60-70 000 ventes, et à peu près autant sur le Gear VR ensuite, puisque du coup on allait sur Gear VR. En fait, c'est Oculus entre temps qui nous avait contactés pour envoyer des kits, et voilà. Et après ça, on s'est dit, du coup ça commence à être sympa, parce qu'on commence à pouvoir peut-être gagner notre vie avec ça, parce que c'est faire des jeux vidéo, c'est quand même stylé, quoi, il n'y a pas à dire, hein, quand on aime ça, c'est du pain béni. Donc on a continué, on a fait après, donc on s'est dit, on va faire un petit jeu d'horreur, on a fait Bad Dream. Donc là, c'était vraiment la première fois où on faisait un jeu et pas quelque chose qui était que de l'exploration. Oui, j'ai vu des images de celui-là, mais vous êtes un peu psychopathe, non, dans votre tête, à faire des trucs comme ça, parce que ça a l'air quand même bien efficace. Hein. Il y en a qui ont eu peur. Il y en a qui ont eu assez peur. Oui, oui. Il y en a qui ont jeté le casque et tout. On a vu sur certaines vidéos. Ah, des visages géants qui tombent sur le coin de la tronche, là, comme ça, sans prévenir. Ouais, ouais, ça a l'air bien efficace quand même. Ouais, ouais, c'était. Ça durait quoi, à peu près 20-30 minutes, je dirais. C'était un petit jeu de 20-30 minutes, voilà. Donc de là, et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé un peu de réalité augmentée avec Excessive Speed. Ouais. Donc voilà, on s'est essayé un peu à ça. Et puis après, on s'est dit, c'est là où Oculus est revenu encore dans la danse en nous envoyant des kits pour l'Oculus Go, en fait, en début d'année dernière. Donc, en nous demandant de faire le portage de Darkness et d'une version shooter de Darkness, en fait. C'est de eux qu'est parti le projet, finalement. En fait. L'idée, d'accord. L'idée est partie de eux. Donc, oui, le projet est parti de là. Et puis, en fait, c'est vrai qu'en cours de route, on s'est dit, on aimerait bien tenter la PS4 quand même, parce que à ce moment-là, en fait, on a embauché un stagiaire, parce qu'on a commencé à faire les choses de manière professionnelle, justement, en créant la société Creative VR, puisque avant, on avait une société qui était plutôt dédiée à la vidéo et au site internet. Mmh. Donc de là on a embauché un stagiaire qui s'est dit, enfin avec lequel ça a tout de suite bien matché et tout, et du coup on s'est dit on peut tenter, on a les fonds et tout pour commander des kits de développement chez Sony et tout, donc on peut tenter l'aventure là-bas. La conversion, ok. Et donc du coup, c'est un an après, on en est là en fait à faire une conversion, un portage. Avec tout le plaisir et toutes les galères que ça entraîne, je pense que c'est un premier essai chez les rois en ce moment de la console de jeu de salon, de toute façon. Combien de temps ça a pris la conversion, justement? Ça vous a pris en développement? On va arriver. On a commencé, je crois que c'était août de l'année dernière. Ah ouais, d'accord. Août de l'année dernière, et après, ça fait, on va dire, ça fait. à peu près 4 mois, 5 mois que on est en échange constant avec Sony pour faire avancer le jeu en fait en lui-même, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, qui sont pas forcément pareilles. Je sais pas si j'ai trop le droit de parler de tout ça, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses confidentielles, mais c'est vrai que par exemple je peux pas consulter un mail de mon téléphone quand ils m'écrivent. Il faut que je sois chez moi avec mon adresse IP. D'accord. Tout ça, c'est en fait sécurisé. En fait. D'accord. Voilà, ouais. Donc, Pour revenir à Sony, t'es quand même plutôt bien accompagné par Sony lors de la conversion, en tout cas d'un développement de jeux en VR, quoi. Oui, on est. Alors voilà, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que en fait, ils sont toujours là à répondre. Il n'y a pas de souci. Ils sont ils sont tout le temps cool et tout, mais par contre c'est à nous de revenir régulièrement poser des questions, parce que on trouve pas forcément tout sur le forum qui est dédié aux développeurs en fait. Donc en fait c'est ils sont très réactifs, mais faut poser les questions dans la doc, ou alors la doc est trop grosse peut-être aussi, c'est vrai que c'est encore une fois c'est le fait d'être que deux à la base. On peut pas du graphisme, de l'intégration de code, de la lecture de doc, enfin voilà, tout ça est mélangé, et jusqu'à mélanger les visuels, les dates de sortie, le prix, voilà. J'ai jusqu'au bout, on s'est dit mais c'est pas possible, on est maudit. On va revenir peut-être tout à l'heure justement sur les petits soucis que vous avez eu pendant le lancement du jeu. Mais déjà, on va commencer par le commencement. L'idée de base en fait de Darkness Roller Coaster, c'est quoi? Uniquement de proposer un roller coaster, j'imagine, parce que le projet s'est développé et a évolué au fur et à mesure. L'idée de départ, c'était quoi en fait? Sur les téléphones ou sur la Play? De la genèse en fait. Qu'est-ce qui a popé dans votre tête pour vous dire on va faire ce type de jeu là? Oh, c'est que le roller coaster, ça marche bien quoi en VR, c'est ça, non? Sur oui, base, oui, nous c'est vrai qu'on aime bien tout ce qui est sensation. Et avec mon frère, ça se passe souvent, on va écouter une musique et puis ça va nous donner des idées. Et puis voilà, c'est parti de là. D'un coup, on s'est dit, un truc dans le noir, à la train fantôme, on aimerait bien faire ça en fait. Voilà. Tout simplement, c'est comme dans l'espace au début, le premier truc qu'on a fait c'est dans l'espace, parce que fan de science-fiction bien sûr, comme je pense tout, comme beaucoup de joueurs de jeux vidéo quoi. Donc le premier truc qu'on a fait c'était dans l'espace, le deuxième truc c'était dans l'espace, et le troisième on s'est dit on va faire un petit truc différent, plus un train fantôme quoi. D'accord. Oui, c'est vrai qu'à la base, on ne savait pas faire des jeux vraiment, donc on démarrait sur Unity, donc nous, on faisait que de l'exploration, parce que bah, justement, mon frère, il a son sens de la mise en scène, etc. Donc voilà, on a démarré vraiment... voilà, sans même savoir programmer un bouton, carrément, quoi. Ouais, donc, c'est ce qui m'a frappé quand t'as décrit votre cursus, le début avec ton frère et tout ça, c'est que n'importe qui, presque, sans... avec respect, hein, je dis ça, pourrait faire un jeu vidéo, quoi, dès qu'il a la passion, en fait. Parce que c'était pas votre spécialité, vidéaste, c'était pas programmeur. Ah, c'est sûr. L'envie et beaucoup de temps, déjà. De l'envie et beaucoup de temps, ouais. Voilà, c'est ça. Parce que vous aviez un métier, enfin, vous avez toujours peut-être, ou vous aviez en tout cas à ce moment-là un métier. Oui, on a toujours notre métier à côté. Ah, ouais. On espère, bien sûr, que après la version PS4 et le reste de... Et on espère qu'en fait, on pourra en vivre vraiment pour, limite, mettre un peu en suspens notre premier métier. Si on peut faire que du jeu vidéo, on aimerait. Hein, voilà, bah, c'est sûr que les chiffres que tu disais, ils sont encourageants. Hein, 60 000 sur Gear, sur Carport, sur après la Play, ça va être normalement aussi dans ces eaux-là, au moins. Hein, 100 000, je sais pas. C'est déjà bien pour jeu PSVR de faire 100 000, d'ailleurs. Hein. Ah bah, ce serait plus que rêver. Hein. Si on peut faire ça... Ah bah là, on sait qu'on se lance là-dedans, hein. Ça c'est sûr, c'est du 100%, c'est signé. Ah oui, D'accord. C'est clair. Et si tu devais présenter Darkness Roller Coaster, tu le présenterais comment? Ça serait quoi le pitch, un petit peu? Alors le pitch, ce serait qu'on avait envie de... On a envie de faire quelque chose de... Ouais, voilà, avec des sensations... du shoot, un peu des trucs un peu jamais vus aussi, comme le déplacement latéral, avec des sensations un peu qu'on trouve pas trop parce que c'est vrai que souvent en fait en VR on et ça c'est peut-être aussi le choix de développeurs, mais j'ai l'impression que souvent ils évitent tout ce qui est effet de vitesse et tout, alors peut-être pour pas créer de nausées, mais moi j'aime bien ça. T'aimes bien la nausée, d'accord. Donc, c'est spécial. Moi je suis pas trop sensible, je crois, du tout, même. D'ailleurs, avec tes échanges avec Sony, jamais ils t'ont demandé de calmer le jeu sur la vitesse. Si, carrément. Ouais. On a dû calmer pas mal de fois, on a dû refaire carrément des niveaux entiers. Parce qu'ils considéraient que c'était trop rapide. Qu'il y avait des virages qu'ils aimaient pas prendre, des choses comme ça. Quoi. D'accord. Ok. Ah oui, c'est ouais, mais en même temps c'est un travail un petit peu de production aussi qui font aussi de conseils et de voir ce qui pourrait justement gêner leurs joueurs qui connaissent même très certainement, quoi, avec tout ce qu'ils ont sorti. Et puis je pense qu'ils veulent aussi éviter tout risque d'accident. Ouais. Parce que ça, voilà, clairement ils nous disent de faire très attention à mettre à chaque fois un message pour dire qu'il faut faire attention autour de soi et tout ça. Les assurances VR, c'est sensible, hein. C'est clair. Mais c'est vrai que dès qu'on commence à jouer au jeu avec les moves directement, attention, ça va être un peu rude, donc faites attention à ce qu'il y a autour de vous. Et ouais, effectivement, c'est très, très précautionneux à ce niveau-là. Et vous avez eu des difficultés un petit peu justement pour la conversion particulière sur la PS4, ou vous avez été plutôt à l'aise avec la puissance de la console par rapport aux Gears Au final, maintenant, après coup, maintenant qu'on sait, je dirais que oui, ça va, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que sur le coup, en fait, nous, on avait fait... Comme nos niveaux, au départ, étaient faits pour les téléphones, c'est vrai qu'avec 1 giga de RAM, on se basait sur 1 giga de RAM pour les téléphones, à l'époque, hein, il y a 4 ou 5 ans, 1 giga de RAM, c'était le moyen de gamme, quoi, on va dire. Donc, on se basait sur le moyen de gamme. Et avec 1 giga de RAM, on peut pas faire afficher les choses de la même manière qu'avec 8 giga, en fait. Donc en fait, nous, on pensait que l'allègement qu'on avait fait sur les téléphones, la PS4, elle allait s'en sortir finger in the nose. Mmh. Et c'était pas le cas, parce que ben, justement, en fait, c'était pas la bonne manière. La PS4, limite, elle préfère qu'on lui mette tout dans la tête direct. Mmh. Elle fait un plus long temps de chargement, et puis après, ça roule, en fait. D'accord. Donc après, voilà, il y avait des soucis avec des shaders, des choses comme ça qui passent pas sur PS4. Donc en fait, voilà, à chaque fois qu'on fait un nouveau shader, faut le tester. Mmh. Et voilà. Après, quand on le sait, voilà, c'est toujours pareil. C'est quand on le sait, ça va, ça passe après. Mais là, bon, c'est vrai que, en fait, je disais, le présenter, donc ça, c'est la présentation, que j'aimerais faire passer. Et c'est vrai qu'il y a la réalité des choses qui fait que le jeu, il a encore pas mal de bugs. Le dernier patch qu'on a envoyé, il n'était pas complet. Mmh. Donc, on espère demain vraiment avoir le patch qui va vraiment finaliser ce qu'on avait en tête. Donc, à plusieurs niveaux du débogage dans la prise en main, etc. J'aurai encore plus d'enthousiasme demain à en parler. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, merci d'avoir pu te libérer parce qu'effectivement, comme tu me disais tout à l'heure, hein, t'es en pleine période de rush, histoire de sortir le patch comme il faut. Donc, demain, pour rappel, pour les auditeurs, c'est le 17 mai parce que le podcast sortira certainement le 18. Donc, quand vous écouterez le podcast, ça sera disponible. La mise à jour sera dispo. Voilà. Combien de gigas à peu près, tu sais? Le jeu? Le patch, il va faire un peu moins d'un giga. Donc on peut déjà dire que le patch, il rendra le jeu PS4 Pro compatible, qu'il y aura des effets en plus. Non, je plaisante, hein, je sais pas. J'intègre un réglage du setting pour PS4. Mais c'est surtout, en fait, on améliore la qualité des textures et l'anti-aliasing. Voilà. Pour l'instant, je mets que ça au niveau des réglages setting. D'accord. On verra après si on rajoute des effets de lumière, des choses comme ça. Mais là, c'est déjà, voilà. C'est des bugages, comme là. Ça, c'est ça. Non, là, c'est vraiment pour permettre à ceux qui ont la PS4 Pro de pouvoir profiter des textures en HD, en full. Très bien. Amélioration, rajout de l'anti-aliasing, amélioration de l'anti-aliasing, tout en restant en 60 fps ou plus Tout en restant en 60 fps. Ok. Ouais. De toute façon, c'est le minimum requis, hein, c'est 60. Ben, en fait, c'est 60 ou 100, enfin, c'est 60-120, apparemment, c'est interpolé. Mm-hmm. C'est pour envoyer du 120, ou alors, oui, on peut mettre du 90. Ah, ouais. Alors, nous, le jeu, il tourne bien à 90. Mm-hmm. Mais il arrive que ça chute à 80 et on n'a pas le droit en fait. D'accord. Donc même si à 90, même si des fois on est à 100, 110, on peut descendre à 80 qui est des 10% de moins que le barème choisi en fait. D'accord. Sinon, on serait à 90 tranquille et jamais on descendra en dessous de 60 en fait. D'accord. Donc voilà, pour l'instant on a choisi de se mettre à ce taux-là en fait. D'accord. Et au niveau des contrôles, parce que bon, on a vu depuis que le jeu est sorti, bon, il n'est pas sorti dans des bonnes conditions en fait. Il est sorti un peu tôt et c'était pas tout à fait le produit, même pas du tout le produit final que tu souhaitais proposer aux joueurs quand il est sorti. C'est comme si c'était un petit peu en early access. Pas au bon prix. C'est ça qui. Et pas au bon prix. Il est sorti tout seul quand même, hein. Ça c'est bien. Bah oui, sans même vraiment prévenir quoi. Sans concurrent. C'est ça que j'ai pas compris. Ah oui, sorti sans concurrent. Le jeu est sorti sans prévenir. Comment ça s'est passé cette histoire? Ben en fait, des dates de sortie chez Sony, il faut en donner régulièrement. À chaque fois qu'on avance dans une étape, on donne une date de sortie. Et en fait, moi, la première date de sortie que j'avais donnée, c'était le 31 octobre 2018. Quoi. Moi, je pensais vraiment que ça allait être facile. Ouais. Donc, je pensais sortir pour Halloween. Génial. Quoi. Donc, des dates de sortie, oui, ben, on en a donné, je ne sais pas, depuis le début, on en a donné une dizaine. Et puis, ben, celle-là, en fait, ben, elle était bonne. Voilà. Mais encore une fois, c'est ma faute, c'est moi qui me renseigne pas assez. Je pense que tout ça. Là, le matin, t'as vite appelé ton frère et t'as dit t'as vu, le jeu, il est sur le, sur le store. Ah, j'ai même pas attendu le matin. dès que j'ai su, ouais, il était minuit. Je me rappelle, moi, quand j'étais allé voir Franck, les développeurs de Eden Tomorrow, au moment où je suis arrivé, ils arrivaient en même temps que moi, ils étaient allés chercher de quoi boire et manger, parce qu'ils voulaient juste fêter à l'instant, il y avait le jeu qui était disponible sur les stores asiatiques, ou américains, je ne sais plus, australiens. Et donc, ils n'en avaient en fait aucune idée de quand ça allait arriver. Comme toi, en fait. Ah oui, voilà. Ah, d'accord. Enfin, eux, c'était prévu. Ouais, ils savaient que c'était dans les 24 heures, mais ils ne savaient pas exactement quand. Alors que toi, c'était la surprise totale. C'est à peu près ça. C'est ce que je disais. C'est en Australie. Enfin, à minuit, en fait, je reçois un mail d'un de vos confrères en Australie qui me dit « Ah, je viens de voir que Darkness Roller Coaster est sorti. Pourriez-vous m'en dire plus ?» Et là, je me suis dit « Ah bon, voilà. Ah bon, c'est fait. » Ok. Merci de l'info. Merci. Voilà, Brandbat Combat, c'est parti. Demain, réunion de crise avec mon frère et le stagiaire, justement, pour dépatouiller tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Donc, dans l'urgence, on refait d'autres erreurs, etc. Mais là, normalement, on a pris le temps. Demain, ça devrait fonctionner comme il faut. De toute façon, on lâche pas. C'est cool. On continuera. S'il y a encore des trucs, de toute façon, il y en aura encore, faut pas rêver. On continuera de le soutenir. Nous, là, on compte même le soutenir jusqu'à Noël. D'accord. Si tout va bien, on fait des nouveaux modes, des nouveaux tableaux, voilà, c'est... Sans extension, hein, sans DLC ni rien, hein, c'est vraiment, voilà, nous on veut, voilà, on veut que les gens s'amusent, voilà, on est parti avec des jeux à 1€ sur téléphone qui ont plutôt bien marché, qui nous ont permis de faire celui-là, si celui-là il paraît d'en faire d'autres, voilà, on n'est pas dans la demesure, dans le DLC, etc. Voilà, mais justement, c'est quoi le prix alors? C'est 13,49€. Alors le prix final devrait être de 8,99€. D'accord. Ça devrait être 8,90€, je veux dire. 8,90, ok. Je te donne mon numéro de compte pour me rembourser la différence, Marc, ou... Bah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, franchement, je suis désolé. Hein. C'est ça le pire, c'est qu'on se dit, le jeu il bug et il est plus cher que prévu. Hein. C'est vraiment ceux qui peuvent être un peu plus haut que leur cul. Genre, on sort un jeu comme ça, on ne regarde pas et en plus, on le sort cher, quoi. Donc. C'était pas du tout l'effet qu'on voulait donner, quoi. En plus, vraiment, avec mon frère, on est plutôt à la cool, tranquille. On veut, voilà, on veut pas, on n'est pas là pour forcément faire de vagues. On a même pas fait de pub ni rien, en fait. On est, voilà. Donc, voilà. Ouais, c'est un petit peu quand même. C'est une expérience de vie, quoi, voilà. Je suppose que le matin de la publication, ça va très vite, hein, derrière. Après, dès que c'est sur le store, il y a des tests review qui sortent de tous les côtés, dans tous les pays du monde. Et là, vous avez dû un peu paniquer quand même. Ah bah oui, le cœur à 224, enfin toute la journée, quoi. C'est sûr. Et c'est la panique, puis c'est ben justement on commence à recevoir des mails ou des appels pour justement en savoir plus, pour donner des codes d'accès. Les codes d'accès, on les a pas. En fait, pareil, c'est en fait voilà, on savait pas les codes d'accès, il faut les demander à telle date, on peut pas le demander avant la fin d'un cycle et après le début d'un autre, en fait. Voilà, c'est donc. D'accord. Voilà, encore une fois, c'est bon, je suis conscient que c'est mon manque d'expérience là-dedans, notre manque d'expérience là-dedans qui fait ça, quoi. Ça arrivera plus. Là on est sorti en Europe, parce que justement, on pouvait gérer qu'une sortie à la fois. Quand on sortira aux États-Unis et en Asie, on va vraiment faire en sorte que ça se passe pas comme ça, hein, clairement. Je poserai toutes les questions, puisque j'ai plus d'autres questions avant, toutes les autres questions, ils m'ont déjà répondu. Donc je poserai les bonnes questions pour. Voilà. Et c'est pour ça qu'on tenait justement à t'inviter ce soir, parce que pour expliquer un petit peu le. Ça c'est très gentil de votre part de m'avoir de me permettre voilà justement d'expliquer en fait toute la galère qu'il y a eu dans cette sortie et tout. C'est vraiment cool de votre part. Ouais, et puis même vraiment l'article que vous aviez sorti avec le titre Voyage au bout de l'enfer. C'est tellement, ça peut prêter à... C'est du oui, c'est du bon ou du pas bon, on sait pas, mais en tout cas, ça donne envie de lire, c'est cool. Voilà, c'est pas un bashing direct du truc. Franchement, c'était... Voilà, j'ai trouvé que vraiment, le ton et tout, c'était super c'est sympa de l'article de Cyril, il a pas osé venir ce soir. Non, je rigole, pas du tout. Non, franchement, c'était cool. Vraiment, c'est cool. Il veut pas te parler. Non, mais avec plaisir en tout cas, et voilà, enfin nous, pour nous c'est important de mettre quand même aussi les développeurs c'est quand même les acteurs les plus importants dans l'industrie du jeu vidéo et notamment en VR qui a un marché de niche et c'est vrai que du coup bâcher un jeu qui vient de sortir et sans connaître un petit peu les tenants les aboutissants, on trouve ça un petit peu dommage de réfléchir un petit peu comme ça et le jugement hâtif est un peu trop facile sur internet, donc voilà. On avait envie de te donner une tribune justement pour expliquer et nous ça nous intéresse vachement justement de savoir un petit peu ce qui peut se passer en plus dans la tête d'un développeur les premiers jours de la sortie d'un jeu, surtout quand c'est un peu voilà un petit peu précipité comme ça, donc il y a des années de boulot derrière, quoi. Bah ouais, voilà. Et nous on a trouvé génial que ce soit Marc aussi qui s'est exprimé, qui a réagi à l'article, donc c'est tellement rare aussi que les développeurs le fassent, donc c'est bien aussi, t'es attentif à ce qui se passe, ça te touche, quoi, on sent que... Ah oui, ça m'a vraiment touché, et puis moi je me mets à la place de quelqu'un qui l'a acheté aussi, c'est vraiment, voilà, c'est... Oui, vraiment, c'est pas, ouais, c'est psychologiquement là, il faut, voilà, il faut y aller parce que, voilà, on lâchera pas, voilà, on lâchera pas. Puis, c'est sûr. Sur un lancement, ça peut faire beaucoup de dégâts, donc il y a intérêt à. Ouais, c'est ça qui est embêtant. Exactement. Ça fait une semaine que le jeu est sorti. C'est maintenant. ce qu'on s'est dit, on a dit, on fait quoi? Bon, il est sorti, on fait quoi? On l'achète, on le teste tout de suite. Puis après, bon, bah forcément, on allait faire un tour un petit peu sur les différents tests qu'il y avait sur la toile. Et là, mince, mais il y a un problème. Il y a clairement un problème. Ouais, il y a un vrai problème. Il y a certains jeux, comme Ark Park, par exemple, où on n'avait pas attendu le DLC pour pas en dire du bien, parce que là c'est pas pareil, ils ont pas deux, c'est une énorme structure. Dans ce cas-là, c'est vrai que on s'est posé la question, on a dit on va pas se précipiter, et puis s'il faut faire le test dans un mois, on fera le test dans un mois. Voilà, comme ça. D'accord, c'est cool. Bah franchement, c'est vraiment c'est vraiment sympa de voilà de. Et moi je me rappelle de votre part, franchement voilà, c'est cool. Voilà, j'ai rien d'autre à dire que voilà, franchement ça m'a fait plaisir quand j'ai vu votre article et tout. Je me suis dit bon ben voilà, ils sont compréhensifs. Franchement ça fait plaisir. Ça. Moi je voulais juste dire quand j'ai vu la première fois le trailer de donc Darkness, j'ai bon je me suis dit oh encore un roller coaster, mais il y avait tout le côté shooter qui était en plus que j'ai trouvé vachement cool. Et on connaît que les roller coasters légendes sur, c'est les, dans le genre sur PSVR, c'est le concurrent direct. Rush of Blood aussi. Rush of Blood et les roller coasters légendes. Et on savait pas trop, on se disait tiens c'est encore un roller coaster légende en fait, c'est le 3. Et le fait que ça tire, là c'est une bonne idée, enfin ça marche quoi comme formule. Donc, C'est super. Ouais, ça mérite d'être bien. Rush of Blood, ça a été un des jeux qui est sorti en premier sur PlayStation, sur PSVR. Et moi, je me demandais, mais quand est-ce qu'il y a un autre studio qui va avoir l'idée justement de développer ce truc-là? Parce que c'est super. Je m'en lasse pas de Rush of Blood. Ah, mais moi non plus. Des moments, j'aime bien. Hein, cette ambiance pourrie, là, j'adore. Il y a du scoring avec toutes les cibles, tu peux vraiment le faire à l'infini en fait. Et ouais, puis parce que tu reviens, tu as toujours des sensations de toute façon avec le mouvement du chariot. Et Darkness sur le roller coaster, il y a de ça aussi avec le côté. Voilà, le côté scoring justement et puis combat de boss aussi. Donc tu as joué toi ça y est alors final. J'y ai joué, ouais, je l'ai acheté hier, j'ai joué une heure et demie à peu près. Je sais pas si je donne mon avis ce soir parce que sachant qu'il y a le patch qui va sortir demain qui va régler quand même pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a des bugs, tu sens que le jeu est pas terminé quand même. Donc Non, mais j'en suis conscient. Des bugs de son, des petits réglages à droite à gauche. Demain aussi, le patch normalement inclut le réglage du son et des effets sonores. D'accord. Ça marche. Okay. Alors là, c'est pareil, le problème du réglage de son qui était apparemment trop fort, je pense que ça peut gêner beaucoup de youtubeurs qui vont enregistrer parce qu'on n'entend pas leur voix. Par contre, un joueur en lui-même, s'il a son casque, il va régler le volume, le réglage du son ne va pas forcément, à moins que ça sature à mort. Il y a un autre problème aussi, c'est qu'il y a un problème de saturation en fait, sur un des niveaux à un moment, et du coup, ça fait même baisser, en fait, le son monte, ça sature, et ça fait baisser le son, et ça remonte et ça resature, et ça dure 3-4 secondes, je crois, sur le deuxième gros niveau. Et voilà, bah bon, c'est du réglage, hein, voilà, il n'y a rien qui peut ne pas être patché de toute façon. C'est pour ça, moi je veux rien savoir, quand on va le tester, il sera tout prêt, et puis voilà. Au moins c'est bien, je saurais à quoi il ressemblait avant et après. Voilà, un avant et un après. Pas de spoil. Je préfère que vous testiez. Oui, c'est vrai, dans les meilleures conditions en fait. Hein, c'est clair. Et au moins nos auditeurs, quand on sortira le test du jeu, ça sera vraiment, on partira sur une version finale on dira les points positifs et les points négatifs de toute façon. Exactement, bah après c'est normal, hein. Il faut avoir un vrai avis critique, c'est bien la sûr. Règle du jeu. Avec un nom pareil, Ultimate Edition quand même. Ultimate Shooter Edition. Mais c'est parce qu'en fait, on s'est dit que peut-être certains allaient le connaître sur le Gear VR et le Cardboard, donc il fallait montrer que là, ça tirait, c'était pas que l'exploration qu'ils avaient connue avant en fait. Ouais. Voilà. C'était essentiellement pour ça qu'on a mis ce sous-titre là, voilà, pour ceux en fait qui le connaissaient déjà en fait. Un petit mot sur la compatibilité 3D Rudder. Oui. Ah oui, qui est bien mise en avant d'ailleurs. Oui, ouais, bah, dans les notamment, du côté de 3D Rudder d'ailleurs, qui ont mis le jeu. D'ailleurs, on avait montré la jaquette aussi quand on avait fait le reportage sur 3D Rudder. Et donc, ben, comment ça fonctionne avec le 3D Rudder, un rail shooter? Alors, sur le 3D Rudder, on a mis que le déplacement du player, en fait, le wagon, en fait, se déplace en faisant gauche-droite avec les pieds. Mmh. On a fait que la recharge, c'est en appuyant en arrière. Mmh. Et changer d'arme, c'est en faisant des petites rotations gauche-droite. D'accord, ok. Voilà. Alors ça, c'est pareil, quand on va le tester, ce sera au 3D Rudder également. D'accord. Bah, normalement, s'il n'y a pas de bug, ça fonctionne aussi. Okay. Normalement, ça, le côté 3D Rudder, voilà, il faut bien le caler à plat, rester une seconde avec les deux pieds dessus. Normalement, on entend les trois petits bips, et logiquement, c'est bon. Hein. C'est la map ça. Aussi est compatible. Voilà. D'accord. J'ai une petite question, justement, sur la map. Est-ce que tu as prévu des rotations? Donc la map, oui, on a prévu aussi de... Alors, ce ne sera pas pour demain, je ne pense pas. Ouais. Bah avec le 3D Rudder, ça marche très bien, par contre. Justement, c'est vrai que c'est pratique. Mmh, c'est fait pour. Voilà. Et le truc, c'est que quand on avait testé un peu avec la manette, voilà, quand j'avais fait tester à quelques personnes, ça leur faisait du motion sickness quand même. Donc voilà. Et après, l'effet tourné par cran. Ouais. Bah alors, moi, j'ai pas le motion sickness, mais ça me plaît pas beaucoup, quoi, en fait. D'accord. Donc, je sais pas pourquoi, en fait, ça. Ouais, c'est pas mal utilisé, donc je pense qu'on va finir, c'est ce qu'on va utiliser aussi. Mais c'est vrai que moi ça me perturbe par contre. Voilà. Ah, il n'y a pas le choix? D'accord. On peut pas choisir? C'est-à-dire? À cran, tu disais, c'est les pivots, vous parlez des pivots ou quoi là? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, des pivots en fait. Voilà. Si on met l'écran, en fait, c'est vrai que l'écran, apparemment tout le monde est habitué, mais je sais pas, quelqu'un comme moi, en tout cas, moi ça me perturbe de tourner par cran. Oui. Oui. Et à l'inverse, donc si on tourne graduellement, là ça va plutôt faire du motion sickness chez d'autres personnes en fait. D'accord, mais chaque joueur a le choix, il peut le mettre comme il le veut. Ah non, pour l'instant, il y a en fait. Non, ni l'un ni l'autre. Pour l'instant, en fait, on se déplace gauche-droite, vers l'avant, vers l'arrière, grâce à des boutons. D'accord. Oh, oui, on est dans un wagon, quoi, quand même, aussi, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Ok. Dans la map, on vole, en fait, on est voilà. Un peu comme si on volait. En fait, c'est la map, c'est là où tu choisis, d'aller dans tel ou tel niveau, en fait, et c'est. Et tu te déplaces comme si c'était une petite maquette en fait en dessous avec plein de petites animations rigolotes. Et oui, là... qui se dévoile au fur et à mesure voilà. De l'avancée du jeu en fait. Voilà, okay. Exactement. Oui, bah tout ça voilà, ça c'est alors c'est peut-être des choses que bon, on s'est dit ah bah ça serait sympa d'avoir une map qui est enfin un menu map entre guillemets, un menu qui fait office de map et voilà qui évolue au fur et à mesure en ajoutant des choses à chaque fois qu'on débloque un endroit. Et donc, bon, c'est beaucoup de choses qu'on a voulu mettre en place et que, ben, voilà, la force des choses a fait que on n'a pas réussi à tout finir à temps, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, d'ici Noël, je pense que vous aurez moyen de... d'ici Noël. Comment ça se passe, là, en cas de... Si vraiment le jeu, il est vraiment buggé à un point qu'il ne peut même pas être lancé, de toute façon, tu peux stopper la machine, et d'appeler Sony et de dire, vous ne le sortez pas, parce que là, il ne va pas du tout, il y a un problème. Ou vous le sortez du store? Ah bah, je pense que ça c'est toujours faisable. C'est déjà arrivé ça. Hein. C'est déjà arrivé. Hein. Des jeux qui sont sortis un jour qui étaient annoncés et le lendemain ils n'étaient plus sur le store. Ils sont arrivés 2-3 semaines plus tard après. Alors, en fait, moi j'ai demandé si c'était faisable. Ils m'ont répondu oui. Mais qu'après il fallait repasser en validation. Ouais, donc ça pouvait reprendre du temps quoi en fait. Donc, c'est vrai que j'ai juste demandé si c'était faisable, j'ai pas demandé combien de temps ça prenait. Donc voilà, mais bon, je pensais pas que ça pouvait être aussi rapide, quoi. Parce que il est possible qu'on l'aurait fait à ce moment-là. Bon, maintenant on est tellement avancé dans le dernier patch. Ouais. Je dis pas que c'est le patch ultime, hein, il y en aura d'autres. Hein. Mais en tout cas, celui de demain, devrait quand même corriger beaucoup de bugs rencontrés. Et d'inconfort aussi, surtout aussi l'inconfort pour certaines choses en fait. On a bien fait d'attendre en fait, parce que comme ça on va arriver dessus, on va s'éclater en fait. On va voir. J'espère. C'est ça qui teste. Ouais. Hein. C'est ça. N'importe. Tout à fait. De toute façon, après, je crois qu'on a une carte, donc on peut même les acheter, en acheter plusieurs et on les essaye tous. Puis après, on dit chacun ce que. Il y a une CD. Moi, je dis dès que je reçois les codes, je vous les envoie, il n'y a aucun problème, mais là, je ne sais pas vraiment où ça en est. Puisque, en fait, ils m'ont dit c'était ce matin ou hier, que les codes ne pouvaient pas être envoyés tant que la jaquette n'a pas été modifiée. Donc, voilà, okay. C'est toutes des étapes comme ça qui font que... Ouais, ça, c'est un autre aspect aussi du truc. Hein. C'est la promotion, les codes... Ah oui, tout ça, voilà. Ouais. Être autant à côté de son propre jeu, de ne pas être prévenu et de ne pas pouvoir s'organiser comme il faut, c'est quand même spécial. Mais on en avait déjà parlé avec Steve de VR Furballs, qui lui est tout seul et qui avait développé son jeu complet à la maison. Et quand il s'est retrouvé face à toute cette partie, parce que lui, finalement, c'était un développeur, et puis il s'est retrouvé face à toute cette partie d'édition, de préparation, il en avait parlé aussi de ça. Il avait dit qu'il était complètement paumé en fait. Ouais. Au début, t'as une masse d'informations à intégrer, ça doit pas être évident quoi. Bah, surtout qu'il y a plein d'inconnus quoi. Ouais, ouais. Et puis en fait on a des si vous voulez en fait à chaque fois qu'on va sur le forum, qu'on demande, qu'on ouvre un ticket pour poser une question, il va y avoir quelqu'un qui est assigné à cette question. Et du coup, on se retrouve là, je dois avoir à peu près 20 personnes sur le compte à qui je peux écrire, mais j'ai juste les noms en fait. Donc je me rappelle plus si celui-là c'est le manager de ça ou de ça. En fait, je pense que toute cette partie-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la gère à part. Voilà, c'est vraiment c'est de l'administratif, hein, ni plus ni moins. Hein, donc. Ce qu'il y a, c'est que Sony, voilà, enfin... tout, Microsoft, tous ces constructeurs, c'est pas des chaperons quelque part. Avec des studios, ils attendent que ce soit des entreprises. Or, il y a beaucoup de nouveaux studios indépendants de 1, 2 personnes, 3 personnes. Et surtout en VR. Bah voilà. Et donc vous êtes tous à fond sur le développement, mais pas forcément sur l'après, quoi. C'est sûr. Ou le pendant du lancement. Voilà, c'est un peu ça, mais bon, après, je suppose que si on cherche partout dans les docs, on trouvera des éléments, mais non, je pense que... Mais les timings sont courts, quoi. Je dirais que c'est une inexpérience, que c'est une première fois, et que, comme je dis, j'ai posé beaucoup de questions, hein, franchement, en un an, on a dû s'échanger franchement, je dois pas être loin de 1000 mails, facile, je dirais, même plus... mail, forum, etc., questions posées et tout ça, on ne doit pas être loin de ça, mais avec les mails reçus aussi, puisque y a plein d'updates, etc., enfin bon voilà, il faut se tenir informé forcément de tout, voilà, si on se sert d'un script qui est un script de Sony par exemple, je ne sais pas, pour gérer le menu qui va vous dire quand vous débranchez la caméra par exemple par mégarde, il faut afficher une image. Donc voilà, si ça a changé, il faut se tenir au courant parce que en fait le kit de développement n'est plus à jour et il faut remettre à jour son kit de développement. C'est un travail, c'est colossal ce qu'il y a à côté du développement du jeu en lui-même En plus, ouais. Voilà. Mais c'est là où c'est sympa d'avoir des forums de développement français en développement, comme parce qu'en fait, on se rend compte que vous rencontrez presque tous les mêmes soucis. Steve Kilofer, qui est tout seul, je parlais tout à l'heure, donc qui développe VR Furballs sur Steam et qui va bientôt arriver sur PlayStation VR, ce serait presque intéressant de monter un forum de développeurs qui serait fermé entre vous et ceux qui ont déjà fait le truc qui puissent aider les autres et vice versa, que ça pourrait être intéressant, quoi. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Justement, parce que là, on parle même plus de développement, on parle vraiment de questions administratives. Et dire attention, fais ça avant parce que après ça marchera pas, c'est toujours des. Ah oui, voilà, c'est vraiment ça. Là, on est vraiment dans l'administratif voilà, faire correspondre. Ça, on peut pas faire ça avant ça, ça avant ça, ça avant ça. Les visuels, par exemple, c'est quasiment le premier truc qu'il faut envoyer. D'accord. Moi, dans ma conception, le visuel de jaquette, il peut arriver vers la fin. Je vois pas trop le problème, en fait. Ben voilà, c'est pas comme ça que c'est prévu. Donc, il faut s'y faire, quoi. Il faut savoir. Bon, est-ce que en tout cas, t'en gardes quand même un bon souvenir de ce premier développement et est-ce que ça te donne envie d'y retourner, surtout après, quoi? Ben, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Maintenant, j'ai envie que demain le patch y marche. Voilà. Et là, comme je disais, ça sera deux fois oui, bien sûr. Et puis tu pourras dormir un petit peu aussi, je pense. Pour un plus, je pourrais dormir. Ouais. Parce que je pense que les nuits ont dû être un petit peu agitées quoi, ces derniers temps. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bah, les derniers jours, il n'y a pas dû avoir de nuit non plus. Non, pas, non, vraiment pas beaucoup. C'est, ouais, bah, de toute façon, bah, c'est comme ça. Hein. C'est, après, c'est, voilà, soit on est passionné ou soit on ne l'est pas, en fait. Hein. C'est vrai que si on était là juste pour dire, oh, bah, nous, on a fait ça, voilà, maintenant, on verra bien ce que ça rapporte ou pas. Non, non, nous, on est là aussi pour que les gens, enfin, ils kiffent, quoi. Donc, ouais. Donc si c'est, voilà, si c'est pas pour ça, non, il y a quand même un aspect qui va vraiment pas nous plaire quoi. Donc d'accord. Bon, bon en tout cas on voilà. Espère franchement que les gens vont kiffer une fois que le patch sera déployé. En tout cas moi je vais, je vais tomber dessus ce week-end là quand je pourrais au moins voir la différence en plus avec la première version et puis les correctifs, donc je suis vraiment curieux de voir ça. Il faudra repartir du tutoriel peut-être par contre. Ouais, pas de soucis. Parce que justement, on refait le tutoriel exprès pour bien expliquer avec un tutoriel séparé pour les PS Move, pour la manette. D'accord. Alors que ben, les deux étaient dans le même à la base et ça fait tellement d'informations que c'est vrai que ça donne pas envie de lire en fait. Ouais. Donc, bah, c'est assez imagé quand même, mais bon, c'est vrai que. Ça, ouais, mais en fait, c'est vrai que on s'est aperçu que sur les vidéos qu'on a vues sur YouTube, que bah, y a personne qui avait compris les manips en fait. Non, mais en plus, c'est vrai qu'à un moment, je crois que j'ai bloqué sur le tuto hier, donc t'as sans doute bien fait. D'accord. Donc on va terminer par les questions pile ou face. Je t'ai expliqué un petit peu tout à l'heure ce que c'était. Je te donne le choix entre deux mots. Ça a pas forcément un lien, même quasiment jamais de lien avec le jeu vidéo. Tu choisis l'un ou l'autre. T'as le droit de dire pourquoi. T'as le droit de rien dire aussi. Enfin, t'es obligé de choisir un des deux mots, mais t'as le droit de développer ton idée ou pas. C'est pour mieux te connaître et puis voilà, savoir ce qu'il y a dans. On va te percer à jour. Exactement, les tréfonds de ton âme. Très bien, très bien. Ok. Alors, première question, chien ou chat ? Chien. Chien, chien. J'ai deux chats à la maison, mais j'en peux plus. Mais tu peux pas les bérer, quoi. Ouais, voilà. Non, non, chien, définitivement. D'accord. Ensuite, console ou PC ? Console. 100% aussi, console. J'ai même pas un jeu sur PC, en fait. Ah ouais ? D'accord. Ouais. Et pourquoi ? Parce que le PC, c'est vraiment mon outil de travail depuis que je fais des sites internet. Ah, mais c'est vrai. Voilà. Donc, tu dis tu fonctionnes pareil. Moi, j'ai mon bureau avec mon ordinateur, c'est là où je travaille. Et j'ai mon salon avec ma console, c'est là où je joue. Et je mélange. Voilà. Pareil. C'est vrai que je fonctionne comme ça. D'accord. Ouais, c'est vrai. Casque sur PC, t'as jamais essayé ? Ça t'a jamais intéressé justement ? L'Oculus Rift ? À part l'Oculus Rift, mais justement, je veux dire, il y a toute une gamme de, en plus il y en a de plus en plus de gammes de casques. T'as même pas une application VR sur PC à part Oculus ? Si on a l'Oculus Rift quand même. Hein, ouais. Ça oui, mais en fait. On l'a installé chez mon frère, mais voilà, pour jouer, quoi. Vraiment, pour jouer, pour tester. On s'en servira si on fait un portage sur l'Oculus. Mm-hmm. Mais c'est pas... comment dire oui, c'est, enfin, ça reste quand même... c'est pour le jeu, pour le PC. Mais non, enfin, c'est quand même ma console de jeu. Si j'ai envie de jouer, c'est vraiment quand même vers ma console de jeu que je vais me tourner. J'ai le casque PSVR sur la console de jeu, hein, sur la PS4. D'accord. Bien sûr. Ah, t'as une culture console, tu veux dire. T'as fait quoi ? Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, qu'est-ce que ça fait ? Oui, toutes celles-là. Non, la Neo Geo, je l'avais pas. On avait des potes qui l'avaient. Enfin, un pote qui l'avait. Il était gentil. C'était un gentil copain. Après, non, on a commencé Master System, la première. Ah ouais, carrément. Je dirais même qu'encore avant, on avait une console de jeu, moi j'étais tout petit, mon frère était même pas né, c'est notre mère qui avait acheté la Philips, ça s'appelait la Philips... La CDI non, CDI c'est récent, c'est plus récent, c'était la Philips Videopack, et je crois que ça date de 78. Ouais, donc on est même né dedans en fait, voilà, dans les consoles. Et après oui, voilà, on a eu Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Mega CD, Saturn, Dreamcast, Nintendo 64. Sega. D'accord. Okay. Enfin, je la rajoute celle-là d'ailleurs, cette question Nintendo ou Sega, histoire de relancer des vieilles guerres. Mario, Sonic. Oui, ça relancerait des guerres. Ouais. Vous avez vu la taille du stand Sega à l'E3 2019 ? Non. Ah non. Il est impressionnant. Hein. Il est juste à côté de Nintendo. Ah ouais, c'est bon ça. Mais maintenant ils sont qu'éditeurs en plus, donc. Ils sont en train de se mettre sous l'aile de Google Stadia et ils vont revenir à mon avis. Ah bah ce serait bien qu'ils reviennent avec la avec l'esprit arcade et tout qu'ils avaient à l'époque quoi. Ouais, c'est, moi j'ai tendance à trouver que ça manque ce genre de jeu, les jeux un peu arcade, voilà, pas trop simu, pas trop compliqué à jouer, où vraiment voilà il faut taper les murs pour aller plus vite. Moi j'aimais bien ça. C'est sûr que des fois t'as pas forcément tu comme beaucoup rentrent du boulot, ils ont envie de se détendre un peu et jouer un truc assez simple, assez de pas se prendre trop la tête. Oui, c'est sûr que Puis on disait aussi déjà à l'époque l'arcade facile à jouer, difficile à maîtriser. Donc c'était quand même pour faire les temps, il fallait taper ce mur là puis ce mur là et voilà, et déborder juste sur la petite ligne là pour pouvoir faire le temps quoi. Fallait en mettre des piécettes. À l'époque. Oui, il fallait en mettre. les loot bots de l'époque. Ah ouais, c'est ça. Ensuite, Candy Crush ou Dark Souls ? Alors, je dirais plutôt Dark Souls, parce que l'univers et tout ça, tout est plus sympa. Et Candy Crush, c'est pas... Non, j'aime pas trop ce genre de jeu, en fait. Il y a trop de niveaux, trop de choses. C'est... En fait, je vois ma femme qui y joue et ça me gonfle. C'est ce que j'allais dire. C'est un jeu typiquement féminin, ça. Ouais, voilà. Ah, c'est la satisfaction en fait d'appuyer sur un petit bouton et de voir plein de choses en fait se passer à l'écran avec plein de petites explosions rigolotes et tout. Je pense, ouais. Oui, c'est Retet Columns en fait. Hein. Tant que j'ai passé là-dessus aussi, Columns. Ouais. Columns, ah oui, à l'époque, oui, j'aimais bien. Mais après, c'est vrai que c'est peut-être le côté free-to-play, je sais pas. C'est. Bien que en fait là ça va encore, on n'est pas dans du clash où vraiment il faut clash royale où il faut Bah c'est du farming quoi, enfin, c'est autre chose. Ouais. Ok. Ouais. Ensuite, film ou série ? Film. Film. Même pas de Game of Thrones ? Si, Game of Thrones à fond, mais à fond, des bonnes séries et tout, mais. Est-ce que c'est vraiment une série ? Je pense que la culture que. Je pense que depuis tout petit ou quoi, j'ai plus de répliques de films dans la tête que de répliques de séries, quoi. D'accord. Ok. Parce que quand on était petit, Starsky et Hutch. Chips. C'est vrai. Chips. Ouais, ça, il y avait de ça, ouais. C'est vrai. Mais bon, après, j'aime bien les séries aussi, hein, bien sûr. Voilà, il y a beaucoup de séries sympas, quoi. T'en as tellement, de toute façon, t'es obligé d'en bouffer. Hein, ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et bon, on va rester dans le thème. Tarantino ou Danny Boone ? Tarantino. Tarantino. Mais... Je crois qu'il n'y a personne qui a choisi Danny Boone encore. Je sais pas pourquoi. Ouais, non, Danny Boone. Et personne qui a pris Candy Crush. Hein. Ouais. Et ouais, peut-être. Élitisme. Je vois que ça. Menteur. Ensuite, tiens, bah comme on parle de roller coaster, Euro Disney ou Europa Park ? J'ai jamais été à Europa Park. Ah ouais. J'aime beaucoup Euro Disney quoi. Moi je suis assez fan de divers Disney. C'est un peu justement ce qu'on voulait faire dans Darkness à la base quand on a sorti sur téléphone. Le premier niveau, la musique et tout, c'était un peu pour avoir une ambiance Disney, entre Disney et Tim Burton quoi. Enfin, ouais. Fête foraine où tu vas choisir ton attraction et ton manège. Ouais, ben voilà, c'est toujours emprunt quand même plus de culture cinématographique, on va dire, quand même, de série, quoi. Voilà. Mmh. Ouais. Puis ça pioche, ça, on l'a pas dit, mais il y a plusieurs ambiances différentes. Ça pioche dans la SF, sur le niveau qui est complètement à gauche, dans le Tim Burton, qui est celui qui est complètement à droite. J'ai l'impression, film de monstre un peu plus loin. Un peu Indiana Jones, là-bas, au fond, à droite. Enfin, à gauche, je veux dire, la partie aventure. Et à droite, c'est un peu plutôt dans l'univers à la Tron, on va dire, un peu quantique, entre guillemets. D'ailleurs, quantique. Il y a un truc que j'ai, un petit passage que j'ai vraiment adoré, par contre, sur le niveau du vaisseau. Donc c'est celui qui est complètement à gauche. C'est à un moment. En fait, il y a pas de rail sur ce niveau-là. T'es pas dans le chariot. Et à la fin, je sais pas, ça part dans un espèce de trip psychédélique. Tu sors comme ça dans l'espace avec les planètes autour. Tu retournes dans des espèces de couloirs avec les textures tout autour qui bougent. où t'es complètement retourné dans tous les sens, et j'ai adoré ce passage-là. Voilà, donc je te l'ai juste à côté. Merci. Oh, c'est gentil. C'est okay. Complètement psyché, et ça part vraiment dans tous les sens, et ça, on le voit vraiment pas souvent sur des jeux. Ouais, c'est ça, on aime bien essayer de jouer sur les sensations, et c'est vrai qu'on est quand même assez dégoûté pour le son, parce que mon frère, c'est un puriste du son en plus, il aime beaucoup ça et tout, et donc voilà, mais en fait, encore une fois, bah, je pense que c'est l'inexpérience, il faut simuler, alors, il faut simuler 14 haut-parleurs sur Unity apparemment pour le PSVR. Donc c'est pas toujours évident en fait, c'est simplement de séparer les canaux et tout, et ci et ça. Mais bon, on a bon espoir. D'accord, ça marche. Ensuite, iPhone ou Samsung? Samsung. J'ai eu un iPhone, c'était pas mal aussi, mais au final c'est quand même mieux, c'est plus ouvert, et puis c'est ce qui nous a permis aussi de nous lancer en fait, hein. Tout simplement, hein, d'avoir un Android et de pouvoir commencer à faire des applications relativement simplement, en fait. Et voilà, après, on l'a fait aussi sur iPhone un petit peu, mais c'est déjà un peu plus galère sur iPhone. Ouais. Mais bon, en fait, maintenant, je dirais que ça n'a plus rien à voir quand on voit le travail à fournir pour Sony, en fait. Mais voilà, vous allez sortir sur un téléphone, vous allez être complètement... Personne ne va parler de vous, en fait. Avant, peut-être un mois ou deux, quand il n'y a pas une visibilité directe, en fait. Là, sur le store, oui, en plus, on était tout seul. Ça y est, on est là, quoi, en fait. Les projecteurs. Totalement différent. Oui, les projecteurs, le stress, les vidéos qui tombent et qui nous renvoient tout ce qui se passe. Et d'un autre côté, des sollicitations pour justement... avoir des codes et tout, des trucs comme ça. Vous êtes complètement dans le maelstrom, quoi, là, en ce moment. Bon, on espère que voilà, que demain soir ce sera réglé. Je touche encore du bois et voilà. mais après, je pense que c'est motivant, et c'est une sacrée expérience aussi humaine, hein, j'imagine. Ça te permet de voir jusqu'où tu peux aller, quoi. Ah oui, carrément. Après, c'est pour ça. Après, on se dit quand même, on peut quand même être fier de nous, d'avoir développé sur PlayStation. On vient un peu de nulle part. Il y a 3 ans, on ouvrait à peine Unity. On sort un jeu sur PS4 à 2. Bon, on est quand même relativement content, hein, parce qu'on est on n'a pas des années d'expérience dans le jeu vidéo, hein, vraiment, à part en tant que joueur, bien sûr, hein, sinon non, quoi. Juste à aparté, Dreams, vous allez tu vois ce que c'est, Dreams, le jeu de Oui, on l'a acheté d'ailleurs. Vous l'avez acheté, ouais. Je pense qu'on l'a tous acheté. On l'a acheté. Vous avez commencé à bidouiller un petit peu dessus? Un petit peu. C'est surtout mon frère qui a commencé, parce que moi j'avais quand même encore la tête dans le guidon. Il a commencé à tester et tout ça. Ça a l'air bien bien complet. Hein. Ça a l'air assez assez énorme. Apparemment, c'est plus hérité du style de l'interface. C'est plus style Unreal apparemment. Ça se rapproche plus de ce style de, c'est-à-dire on met un bloc, on cale un autre bloc à côté, il va nous dire ce qu'il est possible de faire avec tel objet, et Unreal est un peu comme ça apparemment, comme logiciel. Je peux pas aller plus loin, hein, c'est ce qu'on m'a dit, mais en tout cas, oui, ça a l'air d'être assez assez assez énorme ce qu'il y a à faire, quoi. En plus, moi j'adore leur jeu Little Big Planet. Et après, ils avaient fait un autre jeu qui s'appelle Tearaway Unfolded. Celui-là, j'ai adoré. La petite, on n'arrête pas d'y jouer avec régulièrement. Ça fait 3-4 ans que je l'ai. Je pense que ça doit faire la 3e fois que je le finis, 4e fois, facile. Ça utilise toutes les interactions de la manette. C'est super créatif, le papier et tout. Vraiment, moi, je trouve que c'est un jeu, il est super créatif, quoi. Ouais, super. Je l'ai sur PS Vita, celui-là, et pareil, en fait, ça prend toutes les options de la Vita, et ça l'utilise dans le gameplay, et bon, ça se joue tout seul. C'est un petit bonbon, en fait. C'est vrai que tu reprends plaisir à le recommencer et à le refaire plusieurs fois. Carrément. J'ai ma fille qui prend mon téléphone, elle fait un dessin et elle l'envoie à l'écran, et le dessin, en fait, il tombe en confetti dans le jeu, en fait. C'est pas mal. C'est vraiment sympa. En tout cas, ça promet. Sympa. Ça promet, mais on sera curieux de voir un petit peu si vous développez des petits niveaux dessus, de voir ce que ça donne aussi. Du coup. Pourquoi pas. Sympa. Dès qu'on s'est calé sur Darkness, on ira tranquillement, sans pression, sur chose. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Dernière question. VR à moitié plein ou VR à moitié vide? À moitié plein. Toujours optimiste. Le marché de la VR, tu le vois bien. En fait, il y a eu quand même depuis que le PSVR est sorti, même depuis que tous les casques sont sortis, t'as des périodes de haut, des périodes de bas, t'as quand même des fluctuations. Souvent, on sait pas trop. Nous, déjà en tant que joueurs, on sait pas trop de quoi les prochains mois vont être faits, quoi. Savoir si ça prend, si ça prend pas. En regardant un petit peu sur les forums, t'as les avis un petit peu des gens qui ont tendance à changer, à être très changeant en fait. Mm-hmm. Donc toi, t'es plutôt optimiste justement sur l'avenir de la VR. Je pense, parce que quand on voit quand même ce qu'on arrive à faire, on a fait le salon de Barcelone l'année dernière, c'était un salon de la VR. Quand on va pas pouvoir, je pense pas qu'on ira sans. Ou au pire, ce sera une réalité mixte. Mais vraiment, ça peut que arriver, parce que en fait, compte, c'est moi, pour moi, le problème de la VR, il y en avait deux, c'est d'être coupé du monde et d'avoir un fil. Si ces deux choses-là sont résolues, franchement, voilà, en fait, hein, je pense que ça pourra que percer après. Ouais, d'accord. Ouais. Justement, c'est ce qu'avaient essayé de mettre en avant les WMR à l'époque, les Windows Mixed Reality. C'est-à-dire que tu as des petites caméras, mais en fait, elles n'ont jamais été utilisées pour voir ce qui se passe à l'extérieur. J'ai jamais capté ça. En fait. C'est ce que devrait faire aussi. C'est quoi déjà ? Magic quelque chose. Magic Leap, je crois. Ouais. Magic Leap qui a fait. C'est un peu le même principe qu'HoloLens. Ouais, ah, d'accord. Ouais. Donc voilà, moi je pense que non, il y a quand même un avenir. Après, c'est vrai que la VR, il y a un vrai effet waouh pour quand on y joue la première fois. Mmh. Et après, c'est le. C'est le côté, les fils et tout, les trucs, même un PSVR, il y a 25 mètres de fil, ça traîne dans le salon, votre femme, elle va dire, ouais, ça traîne dans le salon, je comprends tout ça, c'est normal. Joue à Candy Crush, hein, c'est bon. voilà. Mais donc il y a encore, je pense que c'est, ça n'a pas vraiment commencé par le cardboard, je ne sais plus à quel moment c'était, ça avait à peu près arrivé en même temps, les annonces d'Oculus Rift et le cardboard. Oculus, il me semble, c'était vraiment le tout début, hein. Où les gens justement se sont souvenus que la réalité virtuelle ça existait. Oui, mais en fait même cardboard, je me suis demandé à l'époque si Google en fait faisait pas un pied de nez à Oculus en disant voyez nous avec un carton on peut vous faire aussi de la réalité virtuelle en fait. Un carton, un téléphone, voilà. Donc c'est vrai que on savait très bien, on n'avait pas les capacités pour le faire, de faire un jeu sur un Oculus ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a démarré doucement sur les téléphones en fait. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, faut aller à son rythme, de toute façon. Faut pas partir. Oui, là, on a peut-être un peu mis la charrue avant les bœufs, mais maintenant, on y est. Bah voilà. Bon, en tout cas, Marc, encore un grand merci d'avoir participé à l'émission. Ça nous a fait vraiment plaisir de discuter avec toi. Bah, merci à vous, vraiment. Vraiment, merci beaucoup encore. On sait que t'as encore beaucoup de boulot, donc. On va te laisser là en tout cas. C'est gentil. Merci c'est de ton témoignage. Je serais resté, il n'y aurait pas de souci. Après, si on pourra reboire un verre. Mais, avec plaisir. Pas de souci. Un autre jour, il n'y a aucun problème. Et j'aurai autant de temps à consacrer que vous désirez. Quoi. Aucun problème. Super, ça marche. Et on se donne rendez-vous en tout cas pour le prochain jeu. Ou peut-être même avant. Ok. Ou peut-être même avant. Bon courage. Ouais, pas de problème. Et puis voilà, on te souhaite plein de bonnes choses en tout cas. Et puis le test de Darkness Roller Coaster Ultimate Shooter Edition sortira sur VR4Player avec le patch. Je parlerai peut-être quand même de ce qui s'est passé avant, histoire que les gens comprennent. Oui, pas de souci. Et puis voilà quoi, on te souhaite bonne chance en tout cas. Et puis, merci. Et puis tu passes le bonjour à ton frère aussi. Et voilà quoi. Ce sera fait. C'est gentil. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Bonsoir à vous trois. Ciao. Allez, on enchaîne du coup avec l'actu du moment. Et je me la fais un petit peu à l'air. Oui. Déteins sur moi, Sylvain, espèce de salaud. on a appris aujourd'hui. Je fais les bruitages pendant ce temps. Je fais... Sylvain, on a appris aujourd'hui Walking Dead. Onslaught, Sébastien n'est pas là, il pourra pas nous dire comment faut le prononcer ça. Mais je pense que c'est comme ça, Walking Dead Onslaught. Onslaught. C'est Walking Dead, ouais. L'assassinat des marcheurs morts. Ouais, Walking Dead. Laurent, qu'est-ce que c'est que cette annonce ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette annonce ? On va pas dire que c'est un jeu, on va dire que c'est C'est sur Vios, les développeurs de Raw Data, Electronauts, Spring Vector, Creed, et plus récemment ils ont annoncé Battlewake, le jeu de bataille navale de pirates. Donc ça c'était la semaine dernière, et puis là on les attendait plus, parce qu'on se dit ils ont quand même bien travaillé. Et cette semaine ils nous annoncent The Walking Dead, je dis pas l'autre mot. et donc... pour l'instant, on sait peu de choses. Il y a un trailer qui est sorti. On voit toutes les armes des principaux protagonistes de la série. Ça commence avec le Colt. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Je dirais que c'est un Colt 45 de Rick. L'arbalète Daryl. Le couteau, je ne sais pas qui il est. Le couteau avec le poing américain intégré. Et le sabre de Michal. Et globalement, on comprend aussi parce qu'ils ont dit que c'est une commande. C'est une commande de AMC, donc les producteurs de la série, qu'ils ont fait. Et apparemment, l'expérience devra être terminée pour le mois de septembre. Et ce qui coïncide avec la sortie de la dernière saison, la saison 10 de Walking Dead. Ce sera la dernière, la saison finale. Donc ça sent vraiment quand même l'expérience VR promotionnelle pour mettre en avant placement de produit pour la série. Donc faut pas s'attendre à un gros jeu de 10 ou 15 heures. Ça peut peut-être débouler, si ça fait un succès de dingue, ça peut débouler sur un vrai jeu, comme l'a été London Heist, qui a déboulé sur Blood and Truth, qui va arriver bientôt. Mais globalement, c'est peut-être... Ouais, mais apparemment, regarde, ça va se passer. Blood and Truth, il dure 4 heures. S'il dure 4 heures... Il dure 8 heures, Blood and Truth. Ah bon ? Ouais. Même s'ils faisaient que 4 heures, faut voir comment ils le font sur Vios. Ils sont... T'es pessimiste ? J'ai vu que la hype t'a pas mis beaucoup en fait. Je suis au milieu. Je suis au milieu parce qu'en fait le compteur de hype il est décentré parce qu'il y a le logo sur la droite, mais en fait je suis à 5 sur 10. Ah ouais. Donc en fait je peux balancer d'un côté ou de l'autre. Après c'est toujours pareil. Moi des expériences style Spider-Man Homecoming, même si elles sont gratuites, je vois pas forcément l'intérêt, même pour faire la pub d'un film. C'est une mauvaise pub en plus. Si c'est pour s'emmerder pendant 5 minutes, c'est pas la peine. Non mais c'est payant, non ? C'est payant. Je pense. Oui, donc après ça peut être très honnête. Si alors on sait pas la durée, mais si par exemple ça fait on va dire 10 euros et que tu arrives à tenir 2 heures dessus, c'est super honnête quoi. Qu'on trouvait suspect, c'est que finalement le jeu il sortirait bientôt. Hein. C'est le mois prochain. Oui. Ce serait pour de la promotion de la saison 10. Je crois que ça sort en octobre les séries de les saisons de. C'est ça hein. Les saisons de The Walking Dead. C'est en deux phases. Première phase, t'es enfermé dans un espèce de restaurant américain là qui ressemble à des mobilhomes. Tu te fais attaquer par une horde de zombies, enfin de walkers. Et là, tu vas avoir plein d'armes. Tu vas à travers les fenêtres. Il faut tous les dégommer et les empêcher de rentrer. Comme Resident et la deuxième 2. Phase, voilà. Et c'est ça. Et la deuxième phase où tu vas carrément sortir et aller en pleine nature. Et là, c'est du corps à corps au couteau avec les walkers. Ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont mis en place une technologie, alors qu'ils appellent la technologie de démembrement progressive. Alors j'ai adoré ce c'est ce très beau. Ça me fait énormément penser au démembrement progressif de Gorn, qui va arriver sur PlayStation VR. Donc apparemment, c'est en gros, les corps vont se découper, si j'ai bien compris, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas aux endroits précis où c'est que tu auras posé ton sabre, par exemple. Donc ça peut c'est être très drôle. Fortune, quoi. Ça peut être très drôle. Moi, je suis plutôt optimiste The Walking Dead de Survios. Optimiste, oui. Je suis totalement optimiste. Moi, ce qui me fait peur, c'est toujours... Mais c'est confirmé que c'est ça sur PlayStation VR, donc The Walking Dead C'est totalement confirmé, et c'est Survios en direct qui nous l'ont dit. Ah, ok. D'accord. Donc il n'y a pas de doute possible. Ah, non. C'est super. Non. Ça fait plaisir. Et sur d'autres casques, hein, sur l'Oculus Quest, sur des casques comme ça, ça va arriver également. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est The Walking Dead. J'ai l'impression que c'est une licence qui est un peu maudite dans les jeux vidéo. À part les Walking Dead de Telltale, qui sont très des grosses références. Tout ce qui est sorti en FPS, la vache, ça pique un peu quand même. Hein. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, ça a carrément mis dans la banqueroute le studio qui avait développé ça. Il y en avait un autre où tu jouais Daryl, je crois, avec son frère Merle. qui était sorti sur PS3, je crois, il y a un petit moment déjà. Pareil, c'était une purge. J'espère qu'ils vont pas se planter, hein, parce que j'ai l'impression que Walking Dead, ouais, c'est un petit peu la série maudite. Hein. C'est déjà la série maudite en tant que série, hein, parce qu'à partir de la saison 8, il y a eu un creux incroyable de baisse de fréquentation. À la fin de la saison 8, ils se sont même demandé s'ils allaient poursuivre. Saison 9, ben, l'acteur principal qui joue Rick se barre. Donc déjà on sent qu'entre eux il doit y avoir certaines tensions. The Walking Dead c'est intemporel, déjà c'est une BD à la base, après c'est une série, on a aimé à un moment donné la série, on a suivi tous je pense à un moment donné, puis après on a détesté ou on continue de regarder, peu importe, c'est ça. Mais moi je regarde plus, mais c'est génial de se dire ouais je peux enfin pendant plusieurs heures jouer un personnage de The Walking Dead. On a quand même tous envie de le faire, et puis c'est Survivors, quoi, c'est le studio à succès, quoi. T'as beau avoir le logo Walking Dead, finalement, on adore buter du zombie, hein, quoi que ce soit. Ça marche, autre chose. C'est génial. Voilà, moi, tu me files un sabre, un colt, et puis tu dégommes des zombies, même s'il n'y a pas le logo Walking Dead, je vais m'éclater. Ouais. Et puis, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui adorent ça, quoi. Moi, j'ai peur que la version PC soit multijoueur et que sur PSVR, ça soit solo. Ce serait dommage. Mais bon. Alors, moi, je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Je suis dans l'état d'esprit d'une petite expérience promotionnelle, un joueur qui va durer une heure à tout péter, et avec beaucoup de logos et des machins, juste pour présenter et pour faire une annonce de la saison 10. Enfin, moi, je le vois comme ça. J'espère me tromper. Okay. Bon. J'adorerais que ça dure 4-5 heures. C'est clair. On verra mais ce que ça donne. C'est pour ça que Lu, Laurent, le truc du hype, arrêter de je l'ai mis me au milieu. Couper. Ah, j'entends pas ce que tu dis. Parce que je sais. Bah pas. Vas-y, je te cherche. Vas-y. Non, le truc du hype, c'est pour ça que je l'ai mis au milieu, parce que il va passer à fond si c'est vraiment un vrai jeu, et il va passer à zéro si c'est encore un truc à la con. Voilà. Ouais, Survios, on va leur quand même un petit peu leur faire confiance. Mais c'est pas un jeu de Survios, c'est une commande d'AMC. C'est ça qui me fait peur. Wait and see. Ensuite, nous avons Predator. Tadam. Qu'est-ce que c'est que ce Predator ? Predator est un extraterrestre au visage de crustacé. Alors, Predator VR, c'est pas Predator tout court, hein, qui a été montré au State of Play. Hein, donc, c'est un autre jeu. Hein. Oui, tu fais bien de le préciser, yes. Ça. Predator VR, donc aussi qui a été annoncé dernièrement, là. Ouais. C'est ça. Je crois, aujourd'hui. Aujourd'hui, indirectement. C'était le 16 mai. Voilà. Donc ce n'est pas. Alors c'est rigolo parce que alors, soit il y a un nouveau Predator qui va arriver, soit c'est la mode du Predator. Mais au dernier State of Play, Sony a annoncé Predator Hunting Grounds, qui est un jeu développé par le studio Ilphonic et qui lui est un jeu PS4. Donc ça, c'est clair. Là, ça n'a rien à voir. C'est justement, les deux sorties sont tellement proches qu'à mon avis il va y avoir des amalgames. Là c'est réellement encore une fois une expérience. Donc elle a été, alors comment on l'a su, c'est Cécilion, hein, qui ce matin a dit, vous avez vu qu'il y avait les trophées pour un Predator VR qui était sorti. Il dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Alors moi tout de suite j'ai percuté Predator Hunting Grounds, ce n'était pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est ce Predator VR? Ce qu'on sait c'est que le seul Predator VR qu'on connaisse à l'heure actuelle, c'est une expérience qui avait été présentée en 2018 à l'IAAPA. C'est un salon à Orlando qui est spécialisé dans les jeux pour les parcs d'attractions. Donc qui dit parc d'attractions dit forcément une expérience de 15 minutes, 20 minutes. C'est pas un jeu de 3 heures. Parce que les parcs d'attractions, ils vont pas te faire jouer un jeu de 2-3 heures, c'est pas possible. Oui, mais cette expérience, quand même, ça pourrait être multijoueur, parce qu'il paraît que les trophées sont, il y a des trophées multi. Hein. Eh ben, c'est là où je me pose franchement la question. Ça a le même nom, mais est-ce que c'est pas une évolution justement de cette expérience faite pour les parcs d'attractions? Est-ce qu'ils n'ont pas repris cette base et puis ils ont développé quelque chose de plus important derrière? C'est un peu plus aussi touffu, quoi. Pas tout à fait, c'est possible jeu aussi. Plus touffé. Les développeurs, c'est Fox Next VR Studio, donc c'est le studio de la Fox qui avait été créé pour faire des applications VR et pour mettre aussi en avant leurs films, notamment le très mauvais The Martian VR Experience, qui coûtait le jour de sa sortie 7 €, qui avait un contenu, on va dire, de 20 minutes, dont 14 minutes d'extrait du film, donc au final, il n'y avait rien. Il y avait aussi le petit film 360 degrés de Alien Covenant, In Utero, qui venait de ce même studio. Alors bon, c'est pas super emballant quand on entend ça, trop, mais Fox Next, ils ont les sous et ils se sont alliés à Phosphor. Et déjà, autant Foxnet et Phosphor nous avaient déjà proposé Crisis of the Planet of the Apps, qui était déjà une expérience de meilleure qualité que les autres. Donc, ouais, qui c'était pas ouf hein, quand même. Hein. Non, mais par rapport aux deux autres, on avait dit. Qui avait été patché et que ça lui avait fait du bien. Ouais, c'est plein de jeux, hein, comme Roller Coaster, tout à l'heure on parlait, en fait, il y a tellement de jeux qui sont patchés, il faut vraiment les retester après. Hein. Enfin bref. Mmh. Yes. Donc voilà, on sait que ça arrive sur la plupart des casques VR. Concernant le PlayStation VR, de toute façon, en fait, la communication s'est faite autour au niveau du PlayStation VR. Les trophées sont publiés sur le PSN. Donc, bon, bah, forcément, un jeu qui termine par doute, VR et qui est sur PS4, c'est forcément pour le PlayStation VR. Voilà. Donc maintenant, encore une fois, au niveau hype, je suis au milieu. J'aime beaucoup Predator. Et puis j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on va être le Predator ou est-ce qu'on va tuer le Predator ? Parce que ça, c'est important. Du multi-asymétrique en VR, ce serait classe avec Predator. Ah, ça serait génial. Moi, je veux être le Predator. Je veux découper de l'être humain. Je veux pas. J'arrive pas à l'imiter. Il fait comment ? Dès que l'info est sortie, tout le monde a crié : on veut Alien Isolation. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est le cœur de beaucoup de joueurs. Ce serait super. Ça, depuis le temps que tout le monde, toute la communauté le demande. Bah ouais. Le Predator, c'est bien aussi. On va voir. Alors, c'est intéressant qu'on ait mis les deux à côté parce qu'on est quand même sur une semaine avec du Walking Dead et du Predator, quand même deux grosses licences qui peuvent potentiellement faire vendre. Après, si c'est deux expériences toutes pourries, ça va être encore du pétard mouillé et ça dessert presque la VR, quoi. Ça fait de la pub, mais bon, ça doit pas être désagréable quand même à voir en VR. Ah, si c'est gratuit, à voir. Ouais. Survios, encore une fois. Ça va être bien fait, mais voilà, c'est pour moi, c'est pas des jeux, c'est des commandes. Quand j'ai vu ça, tout de suite. Mais Creed, c'est une commande aussi, c'est réussi quand même. C'est vrai. Mais il faut savoir combien ils ont investi dedans. Bien, c'est même pas Survios qui. C'est qu'on en a tellement eu des petits trucs dans le genre. Rappelez-vous, c'était quoi ? C'est Justice League, Spider-Man, des machins comme ça. On a oublié ça. On les oublie, mais quand on voit arriver, on y repense. Moi, je les avais oubliés, mais quand je vois arriver ces deux-là. Iron Man. Voilà, c'est tout des trucs. J'espère quand même qu'il sera mieux que ça, Iron Man. Les trois, moi, Walking Dead, je veux détruire du zombie. Je veux être un prédateur et faire un massacre avec tous ces gadgets. Je veux être Iron Man. S'ils me sortent des jeux, ne serait-ce de 5 heures, mais je vais être un vrai gamin. Doctor Strange versus Predator. Ah voilà, c'est un truc de fou. Puis surtout, en plus, ça, Predator et tout ça, ça fait remonter toute ton enfance parce qu'on a tous joué à Predator étant gamin. Il y avait un Alien versus Predator qui était pas mal, qui était sorti 2011. Avec une pyramide d'Égypte, je sais pas quoi là. Je parle pas du film, je parle des jeux. Ouais, je parle des jeux parce que les films c'est des purges. Mais non, il y a des jeux qui étaient vraiment vraiment bien, justement qui avaient été édités par Sega. Et t'as tous les anciens en fait, Alien vs Predator et Alien vs Predator 2 qui sont des vieux jeux PC que j'avais bien squatté, mais il y en avait un qui était édité par Sega, qui était sorti je crois en 2011 à peu près. Et après on dira que c'est moi qui m'égare. Bon cool. Bref, d'accord. Après il y avait Firewall, l'espace. la mage de Firewall. Alors qu'est-ce que c'est mon petit signe ? Alors c'est pas vraiment un DLC finalement, c'est une refonte un peu du jeu dans la manière de penser le jeu. Firewall, ça reste quand même un des plus gros succès du PlayStation VR. Il n'y a pas que Beat Saber qui est numéro 1 depuis 6 mois. Firewall, c'est aussi un gros morceau multijoueur avec une communauté. Et donc, en fait, ils ont mis en place un système de Season Pass, si on traduit. On va avoir droit à deux maps. Une map dont j'avais déjà fait un article qui se passe dans un aéroport, qui va donc arriver le 21 mai. Qui sera accessible à tous, même ceux qui ne prennent pas ce Season Pass de 10€. Et une autre map qui n'est pas encore révélée. On aura droit aussi à un mercenaire en plus, donc une voleuse, Ruby, qui pique de l'argent aux autres mercenaires. Et donc un autre système de... Ils ont mis en place en fait des events, donc des tasks à remplir, des missions avec des récompenses, souvent cosmétiques. Et pour les joueurs qui payent donc ces 10€ pour cette saison, auront droit à des missions premium, des bonus, les deux fameux contractors, mercenaires en fait du jeu, des skills, oui, les compétences directement accessibles pour les acheter. Voilà, donc Firewall continue de bien se développer. C'est la plus grosse refonte du jeu depuis le début. C'est les développeurs qui le disent et là on veut bien les croire cette fois-ci. Le menu change complètement, vraiment beaucoup de choses. Donc de quoi vraiment rallumer la console sur ce jeu par curiosité, puisque encore une fois, si vous avez le jeu, vous avez droit à ces fameuses maps. Le reste s'achète aussi à l'unité. Ruby pourra piquer le crypto sur les cadavres. Ouais, pas mal. Ouais, c'est ça. Bon. Et ça sort quand ça? Le 21 mai. Je l'ai dit, non? La semaine prochaine. Le 21 mai. Ah, c'est bientôt. Ouais. D'accord, super. Il n'y a pas de danse comme dans Fortnite. T'as pas besoin, ça en fait. Mais tu peux le faire, hein, c'est marrant. Oui, t'as qu'à te baisser, tu te lèves, tu fais tes petits pas de danse et puis des mouvements bizarres avec tes bras. J'en ai déjà vu qu'on râlait sur Facebook hein, quand ils ont vu arriver le Hop Pass à 10 dollars la saison. Il y en a déjà qui ont crié. Bon, après, t'es pour chacun, obligé de le prendre, chacun a son. Mais Laurent, si tu as le jeu, je te mets au défi d'y jouer la semaine prochaine avec ses. Si, j'ai, ouais, bien, si hein. J'ai le temps, pourquoi pas. Tu as le jeu, non? Mais oui, t'as le temps. J'ai le jeu, hein, j'ai le jeu. À voir, on verra. Allez, ensuite on a encore une mage gratos, ce coup-ci, pour Moss. La petite surprise qu'on avait eue des jeux d'énigmes platformer. Le niveau, il est gratuit, le niveau. Wow. Niveau gratuit qui s'appelle Moss Twilight Garden et qui est un niveau qui est dédicacé spécialement à la sortie de l'Oculus Quest. Donc les gens de chez Polyarc ont fait ce niveau supplément pour l'Oculus Quest et ce niveau sera donc il va sortir à la sortie de l'Oculus Quest, c'est-à-dire le 21 mai. C'est ça, si je ne me trompe pas. Et donc, il sera disponible sur PlayStation VR, Oculus Rift, Oculus Rift S, HTC Vive, Windows Mixed Reality à partir du mois de juin. Donc, c'est rien de plus qu'un niveau supplémentaire. Donc, on sait que sur Moss, c'est un jeu qui dure à peu près 5 heures. On va dire qu'un niveau te tient à peu près 45 minutes. Ça dépend des niveaux. Un tout nouveau niveau, qui démarrera à partir du jeu original. Donc il y aura un passage secret en fait à trouver. Ah. Et à partir de là, tu arriveras dans ce Twilight Garden. Limite, faut recommencer le jeu pour pouvoir. Mais c'est ce que je me suis dit tout de suite parce que j'ai tellement aimé Moss que je me suis et ça fait tellement longtemps que j'y ai joué qu'une fois, je l'ai terminé qu'une fois. Et là, ce sera l'occasion de le refaire intégralement, je pense. Bah ouais, carrément. Ouais. Forcément ça a éveillé aussi également sur Facebook quelques craintes que je comprends hein. Beaucoup ont dit mais au lieu de faire ça qu'est-ce qu'ils attendent pour faire le livre 2 qui avait déjà été annoncé. Ils ont rassuré les développeurs en répondant ils ont dit alors attends si je retrouve ce qu'ils ont dit alors ils ont dit clairement nous savons que les joueurs sont impatients de jouer à Moss 2, donc rien que cette phrase ça veut dire qu'ils sont toujours dessus. Sinon ils n'en auraient pas parlé du tout et nous l'avons bien compris mais nous voulions profiter de cette occasion pour célébrer la sortie de l'Oculus Quest. Donc est-ce que c'est encore une commande de Facebook pour mettre en avant le jeu? C'est probable et dans c'est ce cas-là en tant qu'un studio de développeur forcément une grosse entreprise comme Facebook qui vient frapper à ta porte et qui te dit vous pouvez me faire un petit niveau on vous donne temps, là tu arrêtes tout de suite ton développement de Moss 2 et puis tu te mets sur la pub de l'Oculus Quest. Ça se comprend. Et puis c'est bien, c'est gratuit, c'est pour tout le monde finalement, faut être patient. C'est ça qui est super, c'est pas une exclu. Ouais, c'est pas une exclu à l'Oculus Quest. C'est cadeau, c'est génial quoi. Voilà. Donc, en plus ça me permet de retourner dedans et voilà. Moi ça va être clair, je le refais de A à Z. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Ok, c'est une super nouvelle. En tout cas, voilà, des bonnes nouvelles en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et pour pouvoir encore plus en profiter, on vous conseille de courir acheter le Feel Real. Et qu'est-ce que c'est que ça, le Feel Real? C'est pas un truc qui crache à la gueule comme ça pendant que tu joues et qui te fait du vent et qui te met, tu as changé, tu as vraiment changé. Feel real. C'est un simulateur pour rouler des galoches. Qui sait, tu rajoutes un petit truc. Ah non, bref, on va pas rentrer dans ce truc-là. Ok, alors c'est quoi, c'est le quoi Feel Real? Alors, a marché, alors. Déjà, c'est pas une blague. Ce n'est pas du tout une blague, et ça c'est pareil, donc on a posté la vidéo sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous avez regardé les commentaires, mais il y a à peu près 30% de personnes qui rigolent en disant fake. Le 1er fake. Avril, fake, le 1er avril c'est pas maintenant, ce n'est pas une blague. Contrairement à la fausse expérience qu'il y avait eu avec South Park il y a quelques temps où j'avais mis les deux pieds dedans, qui était elle une blague, là ça n'est pas une blague. C'est quoi? C'est un appareil qui vient se greffer à différents casques, Oculus, HTC, PlayStation VR, qui est équipé à l'intérieur de capsules différentes, comme des petites capsules de parfum. Et 9 capsules, voilà, en tout, je crois. C'est ça. Et ça va diffuser en fonction d'un programme, mélanger ces parfums pour te donner une odeur précise à un endroit donné dans le jeu. À savoir, c'est là où ça va coincer à mon avis, c'est que par exemple le pack Skyrim, il y en a pour 50€. Et en plus, tu vas t'acheter tes capsules Skyrim, mais combien de temps ça va durer? Je crois que c'est une durée de vie de 2 mois, il me semble, si je me rappelle bien. Puis pour sortir donc, la merde et les pains, merci. Hein. C'est ça, ou la laine de dragon. Alors, ce qui est important, c'est que beaucoup de personnes se sont arrêtées sur la fonction odeur du casque. On va dire que c'est une extension de casque, mais ça ne se limite pas à l'odeur. Il y a aussi la chaleur. Il y a aussi le bruit. Ce qui peut être intéressant, parce que imaginez dans Skyrim, vous vous retrouvez face à un dragon qui vous crache du feu, il va vous envoyer de la chaleur dans la figure. Il y a le vent. Quand il y aura beaucoup de vent, vous aurez des ventilos qui vont se mettre en route dedans, des vibrations, et ça peut aussi vous envoyer de l'eau. S'il y a des éclaboussures dans un jeu ou du sang, vous allez sentir les gouttes sur votre visage. Ça nous claque pas dans la gueule, quoi. Alors en gros, c'est une espèce de cinéma IMAX portatif pour la VR. Je suis curieux d'essayer ça, comme beaucoup, je pense. Après, moi, c'est plus le côté cartouche d'encre qui coûte une blinde à changer. Quand on voit que les joueurs râlent déjà pour un accessoire à 100€, là, ça va être 50 balles juste pour jouer à Skyrim. Ouais, mais t'es à la classe, là. Tu trouves? Si ça se trouve, c'est génial. Je suis curieux. Je suis vraiment très curieux. Je vais pas leur casser les deux pattes tout de suite, mais déjà, moi, au départ, j'ai cru que c'était une blague. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il y a moyen que ce soit vraiment cool. Hein. J'en ai déjà discuté. J'avais déjà fait un article là. C'est la première fois en VR, ma première expérience avec Brookhaven Experiment. Oui. Premier souvenir, merci. Où justement, mon pote, en fait, c'était l'été, et du coup, quand il m'avait fait essayer ça, il y avait le ventilo, en fait, qui rotatif, qui venait juste de temps en temps, en fait, me mettre des petits coups de vent comme ça, et sur le niveau extérieur, j'étais complètement immergé, et ça rajoutait à fond de l'immersion. Donc, c'est vrai, rajouter un petit truc, ça paraît être des détails, mais tu vois, les odeurs. Mais c'est souvent des détails en VR qui vont faire la chaleur, la vibration, le froid plus. Et tout. Bah ouais. Ça va complètement te mettre dedans. Après, je me dis quand même, t'as une espèce de plaque. Vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Hein. Vous avez une espèce de plaque devant la bouche. Le côté claustro, de mettre déjà un casque sur les yeux, ça rend déjà un petit peu claustro pour ceux qui craignent. Rajouter ça en plus devant soi ou qui peut-être pourrait te gêner un peu la respiration, je sais pas, c'est des... J'ai d'autres inquiétudes, parce que déjà en plein été, quand tu joues au PSVR, tu as tendance à avoir de la buée ou des choses comme ça. Alors le fait de rajouter en plus des liquides, de la chaleur, comment ça va réagir dans le casque? Est-ce que tu vas pas... ou est-ce que les ventilos, au contraire, on va pouvoir... ça serait bien qu'on puisse avoir une fonction secondaire, où on puisse... Tiens, j'ai chaud, j'allume que les ventilos. Ouais, petite molette, ouais. Ouais, sympa ça. Moi je me rappelle, j'avais écrit un article dessus et je trouve ça génial parce que ça ramène vraiment, comme disait Sey, vachement d'immersion. Rien que les ventilos, ça fera quand même la différence. Et même ça pourrait faire l'effet inverse, au contraire d'être étouffé, tu seras aéré. Et tous ces petits gadgets, c'est génial pour l'immersion. Mais si ça coûte une blinde, ça peut être un petit peu problématique. Mais vous avez déjà joué surtout sur console, un jeu VR, vous mettez une bougie, ça peut faire la différence, rien que ça, essayez une fois. Un nouveau jeu. Une bougie, tu la mets où ta bougie? Dans ton casque? Non, mais sérieusement, entre tes yeux et le casque. Une bougie parfumée. Ça inonde. Ah. Ça la bougie Resident Evil, elle est bien, là, c'est l'odeur de la grand-mère. La vieille cire. Sur Skyrim, ouais, tu mets des odeurs de forêt quand t'es dans la forêt, c'est marrant. Mais c'est rigolo parce que regarde, rien que le sub-pack, finalement, c'est quelques vibrations qui sont rajoutées. Et en VR, la VR, de toute façon, touche à nos sens. Et là, tu éveilles de nouveaux sens. Tu vas éveiller l'odeur, tu vas éveiller le chaud-froid, l'humidité, les vibrations, les choses comme ça. Et c'est ces petites choses qui, finalement, on est toujours en train de... On n'y porte plus attention, en fait, à ces choses-là. Et ça peut faire beaucoup en VR. C'est pour ça que je suis super pressé de pouvoir essayer ça pour voir ce que ça peut donner. Je suis très curieux là-dessus. Ok. Bon, bah ouais, effectivement, c'est toujours un plus dans l'immersion, malgré toutes les contraintes qu'il y a financières. Vers le côté obscur. Et de confort. Mais, c'est vrai que t'as un petit peu la tronche de merde, comme il s'appelle, Kylo Ren, là, avec ça. On verra ce que ça donne. C'est un appareil qui fonctionne sur batterie, qui a une autonomie de 4 heures, qui pèse 200 grammes de plus, qui va coûter $300 et qui aura. Le parfum seul coûtera 4,99€ et des packs à 49,99€ pour des kits complets type Skyrim. À partir des 9 capsules d'arômes, ils peuvent réaliser 255 parfums différents. Et ça puera quand même votre haleine. Quand même, ouais. Ça arrange pas. Mais peut-être tu sais, toi, Laurent, ça s'adapte à tous les casques, que ce soit sur PC ou sur PSVR. Ouais. C'est aimanté. Comment ça fonctionne, ce truc-là? Ça me paraît. C'est pas tous les casques. Ça s'adapte à l'Oculus Rift, à l'Oculus Go, au Samsung Gear, à l'HTC Vive et au Sony PlayStation VR pour l'instant. Et au WMR aussi. L'Oculus Quest aussi. Le Focus Plus, le Vive Pro, l'HMD Odyssey et le D-Dream. Ouais. Donc ça en fait déjà pas mal quand même. Ah non, aussi le Pimax 5K, le Lenovo Mirage Solo, le Lenovo Explorer Mixed Reality, le Dell Visor, l'Acer Mixed Reality et le HP Mixed Reality. On peut jamais l'arrêter quand il est parti en fait. Mais t'as vu, donc du coup ça s'adapte quasiment sur tout. Bah voilà, tous les casques, ça c'est fait. Donc c'est bizarre comment ça s'adapte. À part le Nintendo Labo. Parce que là, ça va fondre le carton. Quoi ? C'est pas compatible avec le cul de l'oiseau ? Ah, je me suis pris de l'eau dans mon casque en carton, mince. C'est vrai que c'est un peu con, ça. Ouais, bah tant pis, hein, les Nintendophiles, bah faudra... De toute façon, est-ce qu'il y a vraiment des Nintendophiles qui aiment la VR après les expériences Zelda et Mario toutes cramées qui sont sorties ? Je ne sais pas s'il en reste mais beaucoup. Mais ça, en tout c'est cas. Un autre sujet, n'est-ce pas ? Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet, et tu fais très très bien de me le faire remarquer, il ne faut pas digresser. Bon, bah voilà, on a bien fait le tour en tout cas. Oui, oui, oui. J'aimerais bien que ça va être rigolo à tester cette affaire-là, je pense. Yes. Et bah vas-y, passe devant et puis tu nous diras ce que ça donne. Ah, mais j'aimerais bien qu'on puisse être plusieurs à le tester pour essayer plusieurs jeux. Un Resident Evil avec des odeurs à la con, ça doit faire bizarre. Ouais, rien qu'un jeu de caisse avec le vent. Ouais. Ou un jeu où tu. Ouais, ou un jeu de bagnole avec des odeurs d'huile. D'huile chaude, d'essence, un truc plus sympa, je sais pas. Ok, bon, en tout cas, on verra bien ça en temps voulu. Petit instant promo, auto-promo. Je vous invite à aller voir le nouveau concept de l'ami Laurent sur la PS5, sa nouvelle vision d'auteur. Un mix entre le renouveau. entre le renouveau et l'ancien, voilà, l'alpha et l'oméga, et le futur et le passé. Je vais vous dire d'où ça vient cette histoire. C'est que c'était en octobre 2018 qu'on avait fait le premier trailer de la PS5. Je suis assez content au niveau des caractéristiques techniques parce qu'on s'est pas trop planté, même quasi pas du tout. Et cette vidéo, elle a été vue par énormément de personnes. Et il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas du tout le look. Donc ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Et puis je m'étais dit, elle était peut-être un peu trop carrée, un peu trop. Et j'ai dit, cette fois, on va en faire une plutôt rétro. Donc là, aujourd'hui, il y en a plein qui gueulent parce qu'elle est trop rétro. Mais c'est un peu l'inverse de l'autre, en fait. J'en ai surtout vu beaucoup qui justement qui adoraient. Voilà, il y a des, oui, il y en a qui détestent, il y en a qui aiment. Après c'est une autre approche. Et puis je me suis dit que juste avant le 3, Red Dune, en plus ça nous aide pas mal parce que j'en avais marre de voir dès qu'on parlait de la PS5, on utilisait toujours la même console. Parce que finalement, il y a très peu d'images de PS5. Donc, quand on parle de la PS5, il faut illustrer derrière ce qu'on dit. Et ça permet d'un petit peu varier, de l'avoir en blanc, de l'avoir en noir, de pouvoir parler de la DualShock, parce que j'avais pas modélisé des DualShock la dernière fois. Donc, au départ, voilà, c'est plus un outil pour illustrer nos propos. Et puis, c'est un amusement aussi, parce que moi, j'aime bien ce genre de truc. Et j'ai une question, c'est fake ou pas? C'est fake. Est-ce que c'est fake? C'est relativement clair. Je sais pas. Il suffit de lire. C'est même écrit en anglais, hein, c'est dessus. Moi, je crois que c'est fake. Ouais. Hein, il me semble. Mais voilà. Et puis c'est pas compliqué à le voir. Hein. La console est signée VR4Player à l'arrière. Bon, en tout cas, voilà. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça peut, ce qu'on espère, parce que c'est un design qui nous botte bien tous à la rédac. Ah, j'aimais bien la première. N'hésitez pas. C'est ça. Ouais. Tu vois, Seb aime bien la nouvelle, enfin la nouvelle, celle qui est rétro. Après, c'est chacun ses goûts. Hein. Moi, je trouve qu'il a plus de cachet en fait. La rétro néo. Ça touche peut-être plus notre tranche d'âge, parce que c'est vrai qu'un joueur d'une vingtaine d'années, il va dire elle est moche, on dirait un vieux truc. Nous, il y a la nostalgie qui marche, mais pas dans le cas de Sillion. Sillion, il est plus avant-gardiste. L'idée de base, c'était vraiment de me dire que la PS5 serait certainement la dernière console physique de Sony, ce qui semble se concrétiser vu qu'il parle de plus en plus de cloud gaming avec l'arrivée de Stadia. C'est qui Claude? Claude Gaming, oui, tiens, pas mal. Claude Gaming. et du coup, j'ai dit, plutôt que de faire encore une console monolithique, comme je dis tout le temps, là, ce serait de que la cinquième version de la PlayStation fasse un clin d'œil à la première version pour boucler la boucle. Voilà, c'est parti de là. C'est une belle image. Mais... Et c'est sur cette belle image que nous allons nous quitter, malheureusement, car tout a un début et tout a une fin. Donc on remercie tous les auditeurs, bien évidemment, de nous supporter encore toutes les deux semaines. De te supporter. Et de me supporter, ouais, c'est bon, des fois je laisse la main, t'as vu, il y a Sillion, il a remis un petit peu de baume au cœur à tout le monde. On va pas devoir supporter Laurent quand même. Non, si. Non, t'inquiète pas, attends, pas tout le temps, jusque là non plus. Coupe-moi mon micro. Voilà, donc on remercie tous les auditeurs, c'est cool. Vous pouvez nous retrouver sur... Putain, je refais encore Ardisson, c'est dingue ça. Vous pouvez nous retrouver sur PodCloud, sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify et sur YouTube peut-être, Laurent, bientôt ? Sur YouTube, bientôt. Le souci, c'est toujours pareil, c'est qu'on parle pendant des heures et que le problème, c'est qu'il faut arriver à illustrer sur YouTube nos propos. Tu mets une image et c'est marre, c'est bon. Alors des fois, c'est possible, des fois, ça l'est pas. Là, je pense que tous les jeux qu'on a traités vont arriver en vidéo, oui. Parce que ça, ouais. C'est relativement facile à faire. Si j'ai une dernière petite précision au niveau d'une publicité qu'on a mise sur le site, Seb, qui fait partie de VR4Player, est aussi musicien comme Sei ou Spanx. Il a sorti un nouvel album, donc si vous voulez aller l'écouter, il suffit de cliquer sur les bannières publicitaires. Le groupe s'appelle Amphétamine. Voilà, et c'est du rock prog et ça tue. Voilà. Et ça fait du bien d'en entendre de temps en temps. Donc c'est cool. Voilà, on vous dit à la prochaine, dans deux semaines. Super transition. C'est bien comme transition, voilà. On écoutera ça avec attention. On se dit, voilà, on se mettra peut-être même en ça musique en de fin de podcast. Voilà, en musique de fin, exactement. C'est pas mal ça. Ouais. Ouais. Quand même demander à Seb s'il va pas me faire raquer après des royalties. Oh, juste un extrait, je vais faire ça. Ouais, ça tu vas te prendre la SACEM sur le dos. Ouais, c'est ça, ce serait quand même le comble. Et puis on vous dit à dans deux semaines, et puis des gros bisous, et puis à bientôt. Salut. Ciao ciao tout le monde. Et ciao. Ciao.